MEV dans vos oreilles. Semaine 11. Nous sommes à Turkestan et nous nous dirigeons vers le mausolée Yahwai. C'est ça? Je sais pas. J'ai un peu de mal avec toutes ces langues, tous ces mots, tout ça. Moi, c'est compliqué pour moi. Je suis pas très douée avec les langues. Alors, c'est un mausolée qui abrite le tombeau de Monsieur Yahwai. Ainsi que aussi j'ai vu un révolutionnaire kazakh du 18e siècle qui doit être un peu un héros national. En tout cas, il est vous remarquerez régional. Qu'on ne s'est pas beaucoup renseigné sur quoi que ce soit, hein, clairement. Si, je l'ai sous les yeux. Donc c'est... Non, on reprend. C'est le mausolée Yahwai. Ça me paraissait bizarre aussi, ça faisait un peu waïwaï ton histoire. Waïwaï. Oui, bah écoute, je fais ce que je peux. Hein. Enfin, du moins, c'est très grand. C'est plein de mosaïques et de dorures. Avec des dômes bleus turquoise, comme la couleur du Kazakhstan. La moitié est recouverte d'échafaudages, comme d'habitude, et de bâches de travaux, parce que... Ce serait pas un bon monument si ah on oui, c'est pas une un petit peu d'échafaudage quand on le visite. Ah, je crois que c'était le dôme. Bah, je suppose que le dôme... Ils ont fait de la couleur, ouais. Voilà, mais à la... Oui, c'est vrai. De loin, ça se voit pas, quoi. Parce que c'est intelligent, quoi. Oui, non, c'est très bien. On a eu du mal à trouver l'entrée. Oui, on a dû tourner aussi. Tout est en travaux autour. Mais là, ça y est. Je pense pas qu'on va rentrer dedans. On va peut-être aller au pied. Il y a un joli coucher de soleil. Là maintenant il est un peu couché. Et ça faisait une jolie lumière sur le mausolée. Il y a les petits grillons. On a traversé une fête foraine. J'ai juste failli mourir. Enfin mourir peut-être pas, mais t'as pas regardé où tu pétais les pieds. Est-ce qu'on parle de ce sol ou pas? Écoute. Il y a des trous et tout ça. Je suis pour rien, moi. Donc dans cette fête foraine, il y avait notamment un ancien char d'assaut, je pense soviétique, qui a été reconverti en stand de tir. Il y a des statues et des monuments qui rappellent vraiment la période soviétique, quoi. Enfin, un petit bond dans le passé. Il n'y a pas de vous êtes ici sur le plan. Eh bien, je dirais... On est au 1, nous. Ouais. On est passé devant le 12, là, non? Le truc. On est passé sous cette porte, là? Ah, pas dessous. À côté. On a fait comme ça. À côté. Ok. Non? Ouais. On a vu aussi un... petit concert de musique qui devait être pour un mariage parce qu'il y avait plein de gens plutôt bien habillés et on a vu des gens à cheval. Donc quand ils n'utilisent pas leur voiture, ils utilisent le cheval puisque les Kazakhs sont des... à la base c'est une population nomade et d'ailleurs ils sont a priori plus ils ont plus suivi les règles nomades que les règles islamiques. voilà, ils ont adapté, on va dire, l'islam à leur mode de vie. Oui, et d'ailleurs, on a dit ou pas dans le train que les gens n'étaient pas très contents que tu aies une barbe ? Ouais, pas très contents. Non, mais... Pas vraiment ça. Ils t'ont fait comprendre que ce serait bien de la raser. On m'a dit que je ressemblais à un Afghan. Mais pas le... Pas, attention, pas un Afghan. Parce que ils... Afghanistan, mais ils ont, ouais, fait un petit peu un raccourci. Un peu d'amalgame, hein. Ouais, ouais. Non, oui, parler de talibans, quoi. Du coup, j'ai taillé un peu la barbe. Comme ça, au moins... J'ai pas l'impression que ce soit ouvert. Hein. Non, hein. Mais tu sais, ils disaient qu'en période... Mais t'as vu, tout est en travaux. Tout autour, c'est en travaux. Dedans, c'est en travaux. C'est-à-dire que là, dans l'entrée du monument principal, enfin, devant et après, l'entrée... Et l'entrée là ? Oui, mais il y avait des bouts de bois et des trucs de travaux. Oh, ouais, je suis mais... pas sûr qu'on puisse... Oh, c'est dommage, on était venu à Turkestan juste pour voir ça. Bah, un peu quand même. Non, mais en vrai, on s'est arrêté là parce qu'on se dit qu'on n'allait pas aller jusqu'au bout de notre gros périple en train de 60 heures, enfin un peu moins. Et on s'est dit qu'on allait couper un peu, entre guillemets, au milieu. Ce qui n'est pas vraiment le milieu, hein, c'est plus vers la fin qu'au oui, milieu. Mais c'est parce qu'on a vu sur le guide que c'était intéressant à voir. Ouais. Oula. Oh, merci. Oh la vache. Oh. Ah ouais. Ah, mais c'est de la... Ok, bah c'est de la poudre par terre. Ah, oh putain, super. Mais on s'enfonce dedans. Ah bah on a les pieds tout crades. Ah. Ok. C'est le désert en même temps ici. Hein. Non mais là c'est parce que tout est en travaux, oui. C'est des... Ça m'a pas l'air de trop montrer. Bah ça fait un petit peu quand même entrée principale. Non, là du coup. Non, bah c'est sûr. J'ai vu l'état. Bah écoute, voyons. Moi ça fait beaucoup penser à ce qu'on voit de l'Ouzbékistan aussi. C'est un monument avec des dômes turquoises. Oui. Bah, qu'on n'a pas encore vu, mais qu'on devine. Parce qu'on a vu des photos. Dimanche 25 août 2019. On est à la gare. Pour changer. De Turkestan. De Turkestan. Pour prendre un train de 16h pour aller à Bishkek. Au Kyrgyzstan. Enfin, ça y est, depuis le temps qu'on en parle. Mais avant ça, on voulait vous raconter une petite chose qui nous est arrivée hier soir. On a eu un éclair d'illumination en disant, mais sommes-nous bien à la bonne heure sur nos téléphones ? En fait, on s'est posé la question, puisque au Kazakhstan, à l'est, milieu et est, ils sont à GMT plus 6, c'est ça ? 5. À l'est ? Ah, milieu, oui, non, oui, 6. Plus 6 et du coup, du milieu à l'ouest, ils sont plus 5. Et à Kızılırgan, où on s'est arrêté en train, c'était plus 5. Et à Turkestan, du coup, on a cru que c'était plus 5, parce qu'on n'était pas très très loin. Et en regardant nos horaires pour le train, on s'est dit, c'est faut quand même qu'on soit sûr qu'on soit sur le bon fuseau horaire, parce qu'en fait, sur les billets de train, ils mettent l'heure... officielle du pays, mais pas forcément l'heure réelle. À Aktao, par exemple, c'était pas la bonne heure. Quoi. Il a fallu qu'elle nous corrige à la main, donc c'est un peu risqué, quoi. Ça se plantait. Ils sont, je pense qu'ils sont réglés à l'heure, ouais, à l'heure de la capitale. Voilà. Donc on s'est quand même posé la question en disant à quelle heure il faut qu'on soit à la gare ce matin. On aurait pu arriver en retard. Non, parce que comme j'avais le doute, je pense que je nous aurais fait arriver une heure plus tôt. Mais... Du coup, on t'avait demandé à la réception de l'hôtel. Oui, tout bêtement. Demandé, mais quelle heure est-il ? Vraiment, bon. Voilà. Donc, c'est la question que tu n'as pas trop envie de poser, parce que tu as l'impression d'être complètement stupide. C'est pour ça que le matin même, on est arrivé pour le petit déjeuner. Il y avait tout était débarrassé, quasiment. Et bon, la dame, elle nous a resservi des choses, des plats. On trouve ça bizarre quand même que le petit déjeuner soit entre 8h et 10h et qu'à 9h30, il n'y ait plus rien, plus personne, voilà. Tout ça. C'est parce qu'on était à la bourre. Il était donc 10h30. Et c'est pour ça que hier le mausolée était fermé. Alors ça je sais pas parce qu'en fait on y est arrivé. Ouais mais s'il ferme à 21h, ouais, peut-être il ferme un peu avant pour les dernières entrées. Parce que... Bon ça va, on n'a rien loupé de très grave, tout s'est bien passé, tout est rentré dans l'ordre. Mais ça aurait pu être un peu embêtant. Ouais. C'est tout auquel il faut penser des fois, enfin on n'est pas habitué. Quand t'as un pays, un fuseau horaire, c'est facile. Mais là, c'est des trucs un peu casse-tête. Enfin, casse-tête, ça va, il n'y a que deux fuseaux horaires. Je pense que quand tu es en Russie ou dans d'autres pays comme ça, aux États-Unis, Ouais, mais normalement sur les billets de train, sur les billets d'avion, c'est toujours l'heure locale qui est indiquée. Donc là, c'est juste que eux, ils font pas ça. Donc c'est un peu bizarre. Faut savoir. Donc, c'est bon, on a nos billets de train. On a nos billets de train. Il y a quasiment personne dans la gare. Quand on a réservé sur internet, on a vu que le train était vraiment pas rempli. Donc aussi bien, il va être très calme. Ce qui serait bien. Là, et en fait, on n'a pas eu le temps de bien voir la gare quand on est arrivé, mais elle est super belle. Enfin, c'est vraiment. Beaucoup, ça fait très ancien, un peu soviétique, mais avec plein de jolies, des moulures, des dorures. Il y a même une cheminée, quoi. Ouais. Jolie cheminée. C'est vrai que le café de la gare est très très joli. On se croirait pas dans un palais, en fait. Ça reste que les nappes sont des toiles cirées un peu kitsch, mais. Du coup, ça va pas trop avec le lieu. Ça rigolo, quoi. Ça contraste un petit peu, et en même temps, ça. Ça me choque pas. Moi, trop. On n'est pas moi, en même temps. On a réussi à trouver le bus. Tellement facile. Ce matin. Bon, ça va, c'est plutôt facile, il y a des vrais arrêts de bus. Ouais. Partout. Là où il y a déposé des gens et pas d'arrêt de bus. Oui, en tout cas, là, nous, on l'a pris, il y avait un vrai arrêt de bus, donc c'était facile. Et on connaissait les numéros des bus. C'était le terminus, là où on allait, donc c'était assez simple. Je sais pas si c'est un terminus, vu le plan du bus, je me demande s'il faisait pas un détour par la gare. Il avait l'air de faire plein de petits. En tout cas, on était les seuls dans le bus. Oui. À la fin, donc il nous a déposé. Bon, après, on est dimanche matin. Oui, il y avait du monde parce qu'on est rentré dedans. Il y avait du monde, je suis d'accord. Mais il y avait aussi du monde au bazar. Ouais. On a passé devant le marché, le bazar. Ah bah oui. On a pris un bon petit déjeuner. C'était hyper bon. Ah ouais. Très très bon. Vraiment, l'hôtel est cool. Ça valait le prix qu'on a dépensé. Ouais, non, c'était très confortable, c'était hyper calme. Ah oui, non, le bus c'était rigolo parce que c'était. On avait l'impression que le gars il avait acheté un petit fourgon et puis il avait aménagé en minibus, quoi. Et il avait un système de ceinture et de cordes pour ouvrir la porte passager et la refermer. Hyper intelligent, franchement. Ouais, non, c'était tout con. Ouais. Ça évite d'avoir une porte automatique. Et le trajet nous a coûté 10 fois moins cher que le taxi. On a hâte d'être enfin au Kyrgyzstan. Et... Non, mais même si c'était plutôt... C'était cool, quoi. On a profité de ce trajet pour arriver jusqu'au Kyrgyzstan. C'est pas un galère. Bien sûr. Bien sûr. Non, mais maintenant, on y est très près. On est excité. Oui. On a réservé notre hôtel. On espère juste qu'on va pouvoir facilement aller de la gare à l'hôtel à 2h du matin parce que bon, quand tu connais pas, c'est pas très pratique. Non. Sur la route de la soie. Enfin, sur une des routes de la soie. Évidemment. Et on voit quand même de sacrés beaux paysages. Avec là, on voit des montagnes au loin, au milieu de la steppe. Ça commence à ressembler à ce qu'on s'attendait à voir. Ça commence à être bien vallonné. Là. Mais on a dit qu'on avait chaud ou pas ? Le livre d'or du wagon. Une jolie petite rivière avec de la verdure autour. Regarde comme c'est beau. Oui, je vous vois. Est-ce qu'on a dit que c'était le même wagon que pour arriver à Turkestan ? Ça ressemble peut-être tout à fait le même. C'est tout à fait le même. Tout à fait le même. C'est les mêmes systèmes de couchage. Pas ça. Voilà, oui, d'accord. Donc il y a des trucs en plus. Pas tout à fait, j'ai dit le même. Et les fenêtres ne s'ouvrent pas sur celui-ci. Oui, tout comme le deuxième wagon en été, le 16. Ah oui. Eh ouais. Mais contrairement au train qu'on avait pris pour aller à Turkestan, c'est que là on est quand même très très à l'aise en termes de place. Il n'y a pas grand monde, hein. Ouais, on est plutôt tranquille. Je comprends mieux pourquoi il n'y en a que deux par semaine. Peut-être qu'il n'y a pas affluence. Des grandes montagnes, hein. Je pense qu'il y a de la neige. Ouais, on voit au sommet des montagnes. Au Kazakhstan, on a découvert des glaces zéro déchet. C'est des sortes de magnum sans l'enrobage chocolat, donc juste la crème vanille, avec un petit bâtonnet en bois, et emballé dans du papier, mais du papier simple, quoi. Comme ton papier Clairefontaine. Et c'est très bon, c'est Alia dans le train pour Turkestan qui nous en avait offert une, chacun. Moi j'étais un peu très... Je les avais vus mais je savais pas qu'est-ce que c'était exactement. Et en fait voilà, c'est la crème glacée toute simple. Mais ça fait du bien, ça rafraîchit. Et là on vient s'en prendre une. Du coup j'ai acheté un petit peu de riz dans notre contenant Sea to Summit. Et un petit pain aussi qu'on a mis dans notre petit sachet où on met notre nourriture. Oui, une sorte de pain, on ne sait pas trop ce que c'est, on va goûter. Donc on a notre repas pour ce soir. J'en ai appris un goûter tardif. On les utilise quand même beaucoup, ces contenants Sea to Summit et ces petits filets de nourriture, quoi. Ouais, des accessoires zéro déchet qu'on utilise plus que, on va dire, les pailles en inox. Parce que finalement, on boit rarement des cocktails ou des boissons à risque de pailles en plastique, même si on dit... spécifique, on ne veut pas de paille. Bah, en fait, on pourrait ne pas les avoir, mais ça permet de la sortir pour montrer qu'on ne veut pas de paille, quand ça fonctionne. Donc bon. C'est sûr. Après, peut-être qu'on consommera plus aussi quand on sera dans des pays un peu plus exotiques, où il y aura plus de jus de fruits frais, de trucs comme ça, quoi. Là, c'est vrai que bon, les pays ne se prêtent pas forcément... pas si au lait, clairement. Enfin, tout ce qui est à base de lait, ils sont vachement portés sur ce genre de trucs. Le yaourt, le lait et tout, mais ouais. Pas trop... C'est leur production, parce qu'en fait, je sais pas s'ils produisent beaucoup de fruits et légumes, mais on n'en voit quasiment pas, quoi. Parce qu'on a vu pas mal de serres, quand même. Donc peut-être qu'ils produisent des trucs sous serre. On va voir. Bon, après, leur alimentation, quand même, reste basée beaucoup sur la viande et le riz, quoi. Bah oui. Mais en même temps, il fait quand même assez sec, hein, donc... tu peux peut-être pas facilement faire pousser... des fruits et des légumes comme ça. On verra. En tout cas, pour l'instant, ce qu'on a mangé au Kazakhstan, c'était très bon. Même la viande. Ouais, même la viande. Enfin, du coup, on n'a pas pris de la viande, mais quand on a pris du plov, le riz où il y a de la viande dedans, parce qu'on n'a pas trop le choix. Oui, sauf hier, on s'est fait un restaurant turc. Un peu décevant. Ouais. Parce qu'il y avait que des légumes grillés en plat végétarien. Donc il nous a proposé, enfin en fait, une sorte de kebab végétarien, mais c'était juste quelques légumes grillés qui n'étaient pas mauvais. Sauf qu'on a pris juste après deux petites eaux pétillantes et une glace, et on en a eu pour plus de 10 euros, quoi. Enfin ça nous a un peu... Ouais, c'était très cher, enfin c'était deux fois plus cher que ce qu'on avait mangé le midi, sachant que c'était quand même moins nourrissant. En plus la glace était vraiment mauvaise. Ah ouais, c'était de la chimie mort. C'est censé être ma glace au chocolat noir, en fait elle était noire, mais du vrai noir quoi, c'est pas du... J'ai jamais vu de glace comme ça, en fait c'était juste du charbon dedans. Ah mais de toute façon ça avait la texture en bouche de quand on mange du charbon pour digérer, donc... Ça avait coloré la glace avec du charbon. Et voilà. La mangue était tellement chimique, enfin de toute façon toutes les couleurs étaient un peu bizarres, on aurait dû s'en douter. À savoir que les trains au Kazakhstan sont ultra ponctuels. Oh. Il y a des enfants contents. Ouais. Une jolie locomotive électrique. Là, il y a plein de gens qui sont sortis. On est quasiment... On est quatre dans tout le wagon, je pense. Ouais. C'est calme. C'est un petit peu trop calme. C'est rigolo parce que du coup, sur tous les... Ah ! Il y avait un conteneur à déchets plastiques, une espèce de... Il y avait des poubelles. Non, mais c'est... C'est un conteneur un peu... grillagé, enfin tu sais, pour les bouteilles. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc à toutes les gares, du coup, il y a des petits stands, enfin beaucoup, beaucoup de stands clairement, avec plein de nourriture à acheter, parce que bon, le trajet est quand même très très long. Je sais plus combien c'est de temps entre Moscou et Bishkek, mais c'est énorme. Déjà, nous, c'est 16 heures et on a fait que un tiers du trajet, même pas, je pense. Ouais, je pense. Donc, c'est très très long. Donc, bien sûr, il faut pouvoir. Enfin, tu prends pas toute ta nourriture. Enfin, tu peux prendre toute ta nourriture, mais globalement, ouais, les gens sortent pour aller acheter des trucs. Et donc, il y a plein de trucs à acheter. Donc, à la fois des nouilles instantanées, parce qu'il y a de l'eau chaude, donc ça, c'est pratique. Bon, nous, c'est un bayon du plastique, donc clairement, on n'en prend pas. Mais il y a aussi de la nourriture un peu plus fraîche, quoi. Donc en effet, du pain, du riz. Il y avait beaucoup de gens, alors pas sur ce train-là, mais sur le train qu'on a pris entre Aktao et Turkestan, qui vendaient des brochettes, des poissons, enfin tout un tas de nourriture cuisinée, quoi. Donc ça sentait très bon, d'ailleurs, tout ce truc-là. Voilà, le riz que j'ai pris, il était encore dans la marmite. Donc c'est plutôt chouette. Donc, globalement, du coup, il y a en effet beaucoup de trucs emballés, mais on peut s'en sortir sans tout emballer, quoi. C'est brillant. Ah oui, et trucs hyper malins qu'ils font, mais ça on l'avait découvert aussi en Turquie. C'est en Turquie. Oui, en Turquie. c'est qu'ils vendent des œufs durs. Malins. C'est trucs qu'on voit pas du tout en France, quoi. Non. Alors que c'est simple, c'est nourrissant, tu prends enfin, pour ton voyage, c'est parfait, quoi. T'as pas besoin de contenant, enfin c'est un truc que tu mets facilement dans ton sac sans avoir. Oui, mais c'est ça, enfin c'est hyper pratique. Et c'est vrai qu'on trouve pas trop ça, nous. Voilà. On va peut-être monter un petit commerce de dur. De dur. Le soleil commence un petit peu à se baisser. Ouais. Il tape quand même bien bien sur nos lits, hein, de temps en temps. Donc, mais bon. Oui, on a chaud. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On a chaud. C'est pas de rafraîchir la fenêtre un peu de temps en temps. Nous, on est venus au Kyrgyzstan parce qu'on voulait de la fraîcheur. Justement, on a évité le Kazakhstan et l'Ouzbékistan parce qu'on voulait de la fraîcheur. Et au final, on se rend compte qu'à Bishkek, il fait aussi chaud qu'ailleurs. C'est juste dans les montagnes où il va faire un peu plus frais, je pense. Mais on n'y est pas encore. En attendant, je me plains. Non, mais ça va, on a notre éventail. 26 août 2019. Nous sommes à Bishkek. Enfin. Au Kyrgyzstan. On a passé la frontière. C'était long parce que le train s'est arrêté longtemps, mais c'était très facile. Enfin, ils ont juste pris nos passeports, ils ont demandé si nos bagages étaient bien nos bagages, et puis c'est tout, quoi. Oui, on s'est arrêté 2 fois à 1 heure, en fait. Mais ce qui est très très long quand il est minuit et que t'as envie de dormir, en fait, et pas vraiment envie d'attendre, et que, voilà, le temps paraît un peu long. En arrivant à la gare, juste avant de descendre, il y a la dame qui était au compartiment juste derrière nous, qui était assez jeune, qui nous a proposé de nous aider pour qu'on... Bah, c'est nous qui lui avons demandé si elle savait s'il y avait des taxis à la sortie de la gare. Oui. Oh, ok. Tu veux le wifi ? Oh non, bon, c'est bon. Ah, oh. Ok. Thank you. Rahman. On lui a demandé si elle savait s'il y avait des taxis à la gare à cette heure-ci, parce qu'il était quand même 2h15 du matin. Et elle nous a proposé de nous aider, et il y avait sa famille qui l'accueillait, en fait, sur le quai de la gare. Ils étaient tous hyper excités de nous voir. On s'est fait prendre en photo encore 3 fois. Voilà, c'était rigolo. C'était rigolo. Et elle nous a proposé de prendre une voiture avec eux, ce qu'on a compris, puisqu'elle nous a dit le taxi, ça va coûter cher. On a une voiture. C'est surtout qu'on lui a dit qu'il fallait qu'on retire de l'argent, on lui a montré les billets, elle a dit non, c'est bon, on a une voiture, c'est gratuit, voilà. Bon, du coup, nous, on se laisse faire, elle avait l'air très gentille, cette petite demoiselle. Oui, les autres gens aussi. Il y avait la maman, je pense, la sœur, je sais pas. C'était... Comment dans une voiture un peu de guingois. Ça fait vraiment la vieille voiture soviétique, quoi. C'était pas une Trabant, mais c'était marrant, quoi. Il nous emmène jusqu'à devant notre hostel. On papote, hyper gentil. Le monsieur du coup qui conduisait la voiture était hyper gentil. Moi je pensais que c'était genre le grand frère ou le père. Ah oui, je sais parce pas. Qu'il était sur le quai de la gare quand elle est sortie du train. Au moment de rentrer dans l'hostel, elle nous dit faudrait payer le taxi. Sauf que du coup on avait pas retiré d'argent, puisqu'elle nous avait dit qu'il n'y avait pas besoin. De toute façon on n'avait pas vu le distributeur, donc on s'est dit tant pis, on le fera demain, enfin c'est pas très grave. Là, elle nous dit qu'il faut payer le taxi, donc on nous dit on n'a pas d'argent, puis c'est surtout pas ce qu'on avait compris. Il y a eu un quiproquo. Je pense pas que c'était pas intentionnel. Enfin, il y avait pas de... Non, parce que du coup, au final, c'est elle qui a été perdante parce qu'elle nous a dit tant pis, je paye le taxi. Comme elle nous avait donné son numéro de téléphone parce qu'elle nous avait proposé de visiter avec elle la ville le lendemain, du coup aujourd'hui, on lui a dit bah on se voit demain, on vous me direz combien c'est, on vous rembourse quoi. Donc bon, en se couchant, je lui ai envoyé un message pour lui dire qu'on était vraiment désolé du quiproquo et qu'il fallait qu'elle nous dise quel montant c'était, qu'on allait la rembourser. On n'a plus de nouvelles. Sur les frais sont là. Donc bon, bah, on sait pas trop ce qui s'est passé. Moi, ça me met un peu mal à l'aise parce que du coup, elle a payé pour nous le taxi alors que... Oui, oui, bah, on avait prévu de payer un taxi, dans tous les cas. Bon, parce qu'on n'avait pas trop de solutions, on n'avait pas pu voir les transports. Je pense qu'à cette heure-ci... Bah, les transports, c'était compliqué à 2h du matin. Ils te disent bien dans le guide que globalement, faut pas trop marcher la nuit tout seul parce que... Les gens sont un peu alcoolisés potentiellement et du coup... Bah, ils disent globalement en Asie centrale, quand il fait nuit, il vaut mieux pas se balader dans la rue. Voilà. On savait qu'on n'allait pas y aller à pied, c'était pas tout à fait à côté, c'était quand même à peut-être 2,5 km, quelque chose comme ça, donc ça faisait bien une bonne heure de marche. On n'aurait pas fait à 2h du matin. Non. Donc il y avait plein de taxis hein, sortant de la gare, donc on aurait pu en prendre un officiel avec un signe de taxi et tout, pas comme au Kazakhstan où en effet c'est un peu genre n'importe quelle voiture qui te prend, là il y avait l'air d'avoir plein de taxis. Ouais, parce que du coup, le taxi qu'on a pris en question n'avait pas de sens. Ce qui nous a fait encore moins penser que du coup c'était un taxi. En plus, on avait demandé à l'hôtel s'ils pouvaient nous arranger un taxi. Et en fait, on leur a envoyé le message un peu tard parce qu'on a réservé l'hôtel un peu tard. Et ils nous ont répondu, on était dans le train, on n'a pas réussi à se connecter parce qu'on n'avait pas de réseau. Donc on n'a pas pu voir que oui, c'était possible d'avoir un taxi. Ouais, c'est pas très grave, mais du coup, je me sens un peu embêtée, quoi. Et comme elle répond pas, je sais pas trop. C'est elle qui a rentré son numéro de téléphone dans mon téléphone, donc a priori c'était le bon numéro de téléphone, je suis pas trompée. Voilà. On est désolée. En tout cas, c'était cool que l'hostel puisse nous accueillir à 2h30 du matin. On l'avait pris pour oui, ça. Oui, exprès, bien sûr. Non, puis on avait prévenu qu'on allait arriver entre 2h et 3h du matin. Bon, ouais. La dame elle dormait quand même un peu. On n'est pas les derniers à être arrivés deux jours après nous. Et on saura jamais pourquoi est-ce que sur le site de référence des trains, là, Site 61, et sur le planning dans le train, il y avait marqué qu'on était censé arriver à 23h et quelques. En gros, quand tu, en effet, sur ce tableau, du moment que tu passes la frontière avec le Kyrgyzstan, tu reviens 3 heures en arrière. Mais ça n'avait pas de sens, parce que ça voulait dire qu'on avait juste une heure de décalage avec la France. Donc bon, on sait pas, au final on n'est pas arrivé à 23h comme ce qui était marqué un peu partout, mais on est arrivé bien à 2h du matin, bon, c'était un peu bizarre. Donc là ce matin, on a dormi un peu parce qu'on était fatigué. On a encore eu je sais pas trop du coup pour le petit déjeuner comment ça s'est passé, on est arrivé, on avait l'impression que c'était fermé alors que c'était bon à bonne heure. Pour le coup on s'était pas trompé d'heure, pas qu'on l'avait ensemble. Et puis bah on a bossé. On va peut-être bientôt pouvoir sortir la semaine 6 du podcast. Victoire. Avec 5 semaines de retard. Voilà. Donc on a pas mal bossé et là il est 16h30. Et on déjeune enfin. Ouais. On a eu un peu de mal à se faire comprendre au restaurant parce que la demoiselle ne parlait pas anglais. Mais elle nous a proposé d'utiliser Google Trad. Donc, Ah oui, c'est parfait avec ça. Il n'y avait pas grand chose de végétarien et le truc qu'on avait trouvé, bien sûr, il n'y en avait plus, tout ça. Donc, bref, on a eu un peu de mal à se faire comprendre, mais je pense qu'on va avoir un truc pas trop mauvais. En tout cas, les frites ont l'air bonnes. Et puis on a pris une boisson sûre, c'est la compote, je sais plus si on en a parlé déjà, je pense qu'on a déjà parlé de la compote. Je crois, oui. Qu'on avait vu en Géorgie, qu'on a goûté pour la première fois au Kazakhstan, parce qu'on l'avait pas goûté, je crois. Ah si, on l'a goûté en Géorgie, je suis bête, chez Chef Gorma. Ouais. Donc c'est en fait, je sais plus si on a parlé du concept, c'est de faire bouillir les fruits. Avec de l'eau. Avec de l'eau, et puis après mettre du sucre. Ou du miel, parce que parfois ça a un petit peu goût de miel. Tu t'y filtres, ou pas d'ailleurs, enfin, ça dépend de comment tu fais. Et souvent ils le servent frais, donc c'est hyper agréable. Bon là il est pas frais, donc ça reste très très bon. C'est pas le compote. Donc on a transformé notre eau pétillante habituelle en compote depuis qu'on a passé la Géorgie. Ce qui du coup est beaucoup plus zéro déchet. Oui, encore plus zéro déchet. Ils servent ça dans des pichets et ils le font. Après c'est eux-mêmes. Un peu sucré, mais en tout cas ça permet de boire autre chose que de l'eau dans des bouteilles. Ça réhydrate bien quand on est déshydraté. Il faut boire des jus. En vrai. Mais sans sucre. Bah oui, après tu fais avec ce que tu peux, mais par exemple, si t'es en vraie déshydratation, il vaut mieux boire un jus de pomme que de l'eau normale. Après, je pense que le côté sucré est le dernier de tes soucis quand t'es en déshydratation. Non, mais je pensais que ça allait te déshydrater encore plus. Non. ça donne une impression de sensation, mais dans ton cœur, ça se passe mieux. Là, on n'était pas déshydratés, mais bon. Nous sommes le 29 août, et il ne s'est pas passé grand-chose à raconter depuis 3 jours, 4 jours, depuis qu'on est arrivé à Bishkek. En fait, non, on a raconté notre arrivée à Bishkek. Il se trouve que c'est pour plusieurs raisons. D'une part... Parce qu'on est fatigué. Ouais. En fait, peut-être une dizaine de jours à être en transit un peu constamment, je crois que ça nous a un peu flingué physiquement. On avait besoin de se poser un peu et de prendre des repères et... Voilà, juste de se poser, quoi. Ouais, non, et mais... Comme dans la vraie vie, des fois, t'as besoin juste de te reposer. C'est vrai qu'on s'est reposé 2 jours à Turkestan, on a quand même pas fait grand-chose, mais ça nous a pas suffi, en fait. Je pense que... Non, mais il aurait fallu qu'on soit vraiment plus de temps à se reposer. Donc là, c'est ce qu'on a fait, mais on a aussi quand même pas mal travaillé au début. Là, on a posté la première vidéo. On est content parce qu'enfin... Et on a eu de plutôt bons retours, donc c'est cool. On attend aussi des retours peut-être un petit peu plus critiques pour qu'on puisse... Bon, j'en ai déjà eu. Ça nous permet aussi d'avancer. Et puis aussi, il fallait qu'on se pose pour... Pour réfléchir à ce qu'on allait faire. Pour planifier. Notre périple au Kyrgyzstan. C'est pas si facile que ça. Enfin, c'est quand même des endroits qui sont plus reculés... avec des hébergements assez limités, etc. Donc, c'est pas facile de le faire et tout seul, enfin, sans passer par une agence ou une association qui organise. Et surtout, nous, déjà, savoir ce qu'on voulait faire. Et du coup, se poser la question de comment est-ce qu'on allait le faire. Alors là, c'est là où... Le bas blesse. Le bas blesse. Parce qu'on a deux options. C'est soit de faire tout avec du matos de camping... Et de faire du stop, de prendre des bus, des taxis. Mais sachant qu'il y a des endroits, tu peux quasiment pas y aller avec un taxi normal. Donc après, c'est faut si trouver... Si, avec des taxis 4x4, ça fonctionne. Mais c'est juste que ça coûte assez cher, en fait, le taxi. Faut compter un minimum de $50 pour faire des distances qui sont pas si grandes que ça. Mais parce que les routes sont pas très praticables. Donc ça fait vite grimper le budget aussi. Et en effet, il faut trouver le taxi au bon moment, au bon endroit, le partager avec d'autres gens. Enfin, bon. Pas si possible le partager, parce que sinon, ça n'a pas grand intérêt par rapport à notre deuxième solution. Voilà. Mais ce qui était sympa avec cette idée, c'est que on est, d'un point de vue environnemental, un peu moins vilain que la deuxième option. Oui, enfin, tout en sachant que. Du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas apporter notre nourriture. Donc, il va falloir qu'on mange... Voilà, non, mais c'est là, ce qui non, nous mais freine un peu... D'un point de vue environnemental même, enfin, tu vois, ça veut dire qu'il va falloir qu'on mange, comme les locaux, enfin, du coup, avec de la viande, etc., ce que nous, on voudrait éviter de faire. Oui, après, c'est pas la plus mauvaise viande du monde, quoi. Non, mais c'est des petits animaux, quand même. Non, mais je suis d'accord. Après, ça, c'est pas l'aspect environnemental, je veux dire. Non, là, on est sur l'aspect... Mais voilà, il y avait cette question de poids, en fait, parce que nos sacs... ont quand même un certain poids. Quand on a pesé le mien, il était à 15 kg, le tien à 9 kg. Et ça veut dire donc rajouter une tente, deux sacs de couchage, deux matelas, un réchaud et du gaz, et puis ensuite de la bouffe à transporter, en effet, si on veut vraiment. Donc ce serait faisable si on était dans un pays où on est sûr qu'il va faire beau tous les jours, qu'il ne va pas faire froid, parce que là, on a forcément les kawés, les doudounes, des vêtements à la fois pour le chaud et pour le froid. Parce que le problème, c'est que Kyrgyzstan, là, en ce moment, il fait un peu chaud, mais il va vite faire froid. Oui, c'est surtout que les endroits où on compte aller, c'est minimum 3500 mètres d'altitude, donc clairement, il fait froid. Je pense que là, les doudounes, elles vont l'en servir. Donc, on a pensé, deuxième option, c'est de louer un 4x4 pour pouvoir aller à peu près où on veut, assez facilement, entre guillemets. Alors on pourra pas aller partout parce qu'il y a des endroits vraiment, même en 4x4, ils disent c'est pas super praticable. Mais... Ça dépend de la saison aussi. Est-ce qu'il a plu, est-ce qu'il a pas plu, est-ce qu'il y a de la boue, il y a pas de la boue. Mais bon, ça, à la limite, En arrivant, on verra si on peut pas y aller, on fera demi-tour. Enfin, on n'est pas. Voilà, c'est ça. Ça nous permet aussi de potentiellement dormir dedans si on trouve pas d'endroit pour poser une tente, par exemple. Ou... Ou s'il fait trop mauvais et que du coup on veut pas être sous la tente. Et puis de pouvoir se poser n'importe où, enfin, tu vois, si on en... dès qu'on en a marre, et puis d'avoir dès le matin, être dans la nature, où on veut, quoi. Donc c'est un côté ultra polluant, clairement. Enfin, c'est vrai que ça, c'est comme la Géorgie, quoi, si tu veux, c'est chiant, quoi. Et en même temps, ce pays, ça fait longtemps qu'on veut le faire, et malheureusement, là, dans notre configuration actuelle, c'est pas possible de faire autrement. On serait plus léger, on n'aurait pas tout le côté documentaire derrière, avec notre matériel. On serait peut-être plus en été, tu vois, où c'est moins incertain le temps et tout ça. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que sur le côté léger, clairement, on pourrait laisser en effet nos ordis et l'appareil photo ici, les chargeurs, enfin. Mais c'est juste que moi, j'ai un sac qui est petit, parce que on a fait en sorte de voyager avec un petit sac, et donc du coup, qui n'est pas du tout fait pour accueillir un sac de couchage et un matelas en plus, plus la bouffe et tout, quoi. On l'a fait, hein, ça, de randonnée pendant une semaine en autonomie, quand on a fait le canal Nantes-Brest, donc. On est capable de le faire. Enfin, techniquement, on sait comment ce qu'il nous faut comme Mais affaire. on n'avait pas de doudoune, quoi. Bon, déjà, on n'avait pas de doudou, mais bon, Qui ça. prennent un volume assez conséquent, On au est final. d'accord. Mais au-delà de ça, Tu avais un grand sac à et dos. surtout, oui. Non, mais du coup, j'avais un sac à dos qui n'était pas du tout le même litrage, quoi. Là, j'ai un 47 et à l'époque, j'avais un 62. Donc, ce qui change quand même pas mal de choses en termes de volume. Sachant que on a opté pour cette configuration où je prends un 70 litres, toi un 45, 50, pour justement pouvoir, si au cas où on devait prendre à un moment donné l'avion, on ne sait jamais, mais c'est pas prévu pour l'instant, mais que tu puisses rentrer en cabine avec. Mais c'est aussi pour dans les bus ou quoi, garder avec nous les affaires qui, entre guillemets, craignent un peu, donc ce qu'on ne voudrait pas se faire piquer. Moi, ce qu'il y a dans mon gros sac à dos, certes, il y a des fringues et tout qui coûtent cher parce que c'est des vêtements techniques et tout, mais ça ferait moins cher de se les faire voler. Ce serait quand même bien embêté si on n'avait plus nos affaires techniques parce que c'est pas facile à trouver. Non mais Oui, enfin, je ce suis serait tout pas à fait facile d'accord. à retrouver. Tout à fait d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que le matos qu'on a pour faire ce documentaire à tous, ça nous emmerde un peu plus au final. C'est con, mais c'est aussi c'est cher, quoi. C'est un matos un peu cher, donc voilà. C'est pour ça que ça va nous permettre de le garder plus proche de nous. Et on voulait pas avoir un gros sac à dos chacun, plus un petit sac à dos journée aussi, hein. Parce qu'on l'a déjà fait ça, quand on est parti en Australie et en Nouvelle-Zélande notamment, et on trouvait que c'était pas pratique. Parce qu'on voit les gens le faire et que t'es moins mobile, quoi, clairement, avec deux sacs qu'il faut surveiller. Enfin, voilà. Donc là, c'est vrai que la configuration, pour l'instant, de ce qu'on a fait de 2 mois et demi de voyage, elle est parfaite. Elle est Enfin, parfaite, franchement. Oui, non, on est content, c'est pas trop lourd, c'est pas trop compliqué. On peut toujours garder mon sac avec nous, dans les bus et tout, donc ça, c'est bien. Franchement, c'est bien. Mais du coup, il est plus petit. Sauf une fois quand on a traversé la frontière avec la Géorgie, que tu t'es fait engueuler par le mec du bus parce que. Oh, je le gardais quand même, mon sac avec Ah moi. oui. Mais juste, il voulait pas que je le garde avec moi, mais je le gardais quand même. Mais en plus, on a encore. Enfin, là, j'ai encore un peu vidé mon sac. Donc, T'as un petit peu de volume en moins. on a encore un peu de volume en moi. Enfin, dans le tien et un peu dans le mien aussi, Ouais. quoi. Bon, donc là, je pense qu'en vrai, voilà, c'est la meilleure solution qui s'offre à nous pour découvrir ce pays. On pourrait se dire, bah tant pis, tu vois, on fait que ce qu'on peut en train ou en bus, on va Alors, en jusque-là. train, c'est pas possible. En fait, il n'y a qu'une ligne de chemin de fer. Donc, c'est pas possible. Ouais, bon, bah voilà, donc Mais on on pourrait le prend un faire en bus. effet en bus et en taxi partagé. Et ne pas faire de randonnée, quoi, parce que du coup, on pourrait pas, au final. Alors, on pourrait faire des petites randonnées de Bah, en fait, si, parce qu'il y a journalière, des quoi. yourtes. C'est juste que c'est pas forcément. Enfin, on sera moins libre et ce sera le même budget. Mais c'est possible parce qu'en fait, si tu passes par une agence de voyage ou par un CBT, là, les Community Based de Tourisme qui sont un peu partout au Kyrgyzstan, qui sont des structures associatives qui te permettent d'organiser avec les locaux en fait des hébergements et des tours, etc. Enfin, avoir un guide, enfin, voilà, ce genre de choses. Ils peuvent se débrouiller pour te faire loger dans des yourtes chez des locaux. Donc c'est techniquement possible. En fait, il y a plein de gens qui le font, hein, donc on n'est pas les seuls. Mais est-ce que c'est comme ça que nous, on a envie de le faire? Bon, je ne sais pas. Je suis tiraillée. C'est-à-dire qu'on change d'avis à peu près toutes les 2 heures, Ouais, depuis 2 jours. depuis deux voire 3 jours en fait, c'est terrible. Et on est censé. Alors c'est pour ça qu'aussi on a rallongé notre séjour à Bishkek, quoi, parce qu'on savait qu'on n'allait pas arriver à se décider avant la fin entre se reposer travailler, tout ça. Ouais, et puis il y a un peu aussi l'envie de sortir des sentiers battus. Et du coup, de, si on est en taxi partagé ou en bus, bah, bien sûr, on est avec des gens qui vont faire la même chose que nous. Donc voilà. C'est pas décidé, hein, clairement. Mmh. Bah, ce qu'on s'est dit, de toute façon, c'est qu'on allait quand même compenser un peu le bilan carbone qu'on va émettre. Alors, c'est que du bilan carbone, hein, ça comprend pas tout le reste, mais le compenser avec des plantages d'arbres. Toujours ça. Enfin, je veux dire, bon, si ça peut aider. Non, mais après, on ne sait pas, hein, on n'a pas encore décidé, donc peut-être qu'on va changer d'avis d'ici. En fait, on lit de tout sur Internet, des gens qui disent que c'est hyper facile de faire en stop et en taxi, etc. D'autres gens qui disent que c'est compliqué, que c'est cher, etc. Enfin, bon, je... Peut-être ça va nous aider si on va au CBT. Oui, oui. Font quelque chose un petit peu adapté à notre vision du voyage aussi. Peut-être qu'ils ont quelque chose à nous offrir, et même si, ouais, peut-être, en effet, financièrement, ça va être un peu plus cher. Mais quelque part, si écologiquement, c'est un petit peu mieux, bah... Oui, non, mais c'est pas vraiment que le côté financier, c'est juste... en gros, c'est un débat... Enfin, c'est un peu tout le débat écologique, c'est-à-dire que là, on est en train de choisir entre moins cher et plus de confort, moins écologique, pour, du coup, plus cher, moins de confort... pas pour dormir et tout, mais juste moins de confort, moins de liberté et plus écologique. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit aux gens de faire autour de nous, c'est-à-dire de diminuer un peu leur confort pour le bien-être de l'humanité, là, on n'arrive pas à prendre cette décision sur ce pays. Ah ouais, non, mais c'est terrible. Bah, non, attends, on dit de faire et on n'est pas des donneurs de leçons. Enfin, tu vois, qu'on essaye de faire comprendre aux gens. Est-ce que nous, on a fait en lisant des choses Oui, non, mais voilà, c'est un peu des... Mais après, c'est toujours pareil. En fait, on s'est servi à bouffer, puis on a commencé à parler. En fait, on a mangé froid. C'est toujours ça, c'est toujours le problème d'arriver à faire des choses. Et puis, quand tu n'arrives pas à être vraiment aligné avec tes valeurs... c'est compliqué. C'est d'autant plus dur que t'es d'autant plus tiraillé. Plus t'as des convictions comme ça, là, plus c'est dur. Et en même temps, voilà quoi. Bon, est-ce que on pourrait très bien se dire, mais enfin, qu'est-ce qu'on fait là? On pourrait être chez nous à planter notre petit potager, quoi. Oui, non, parce que pour le coup, le voyage nous apporte quand même beaucoup. C'est un luxe incroyable de pouvoir faire ça. Donc. Mais bien sûr, c'est un luxe et puis c'est. C'est aussi bon pour la population qui vit du tourisme, quoi. Donc, au Kyrgyzstan, ça l'est particulièrement, parce qu'en plus, il y a vraiment une forte implication de la population par les agences de tourisme, etc. Un peu comme en Mongolie, je crois. C'est un peu ce genre de pays où, de toute façon, tu es dépendant de la population, puisqu'il n'y a rien comme infrastructure. Donc, D'ailleurs, je crois que quasiment tout l'argent est reversé. Genre, si tu vas dans une famille... dans une yurte, tout est reversé à eux. Quoi, quasiment, parce que tu as une petite commission qui est prise par notamment les CBT, mais parce qu'il faut bien qu'ils vivent. Oui. Enfin, tu vois, c'est normal. Mais c'est pas, ils sont pas non plus beaucoup de thunes quoi, sur leur dos. Quoi. Pas facile. Bon, on a eu peut-être une bonne nouvelle aujourd'hui, un message qui fait plaisir de la part de la web radio Allô la planète. Tu nous as envoyé un message en nous proposant de diffuser notre podcast sur leur radio. Donc ça, c'est cool. Bah oui, c'est très très cool même. Ouais. Je sais pas si c'est parce que Hélène de Globe Cleaners a parlé de nous à eux, parce qu'elle nous en a parlé de cette radio. On comptait les contacter. On comptait, voilà. On avait commencé à préparer un petit message pour les contacter. Et puis, ils nous ont devancé. Donc on va voir comment ça se passe exactement. Et, c'est plutôt excitant et ça motive un peu quoi, de continuer, d'essayer d'avancer là-dessus, ça. Ça vaut le coup des fois de se donner un peu pour travailler, même si des fois de rien faire ça fait du bien aussi. on vous tiendra informés. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos têtes? C'est pas du tout encore figé. J'arrête pas de faire des allers-retours. Moi aussi. J'ai envie d'être une petite fille capricieuse parfois, du coup de prendre un 4x4 et de dire je fais ce que je veux. Et puis en même temps, il y a un petit... Alors, du coup, je sais pas si c'est le petit ange ou le petit démon, lequel des deux, qui me dit « Hé, c'est mal ce que tu fais. » Du coup, je suis un peu panaude. Comme un chaton qui vient de se faire gronder. Voilà. Voilà l'état de mon cerveau. C'est compliqué, hein, vous remarquerez quand même. Tout à l'heure, on était allé faire une petite course au supermarché juste en face. Oh, ils sont pleins de vrac. Tu dis quoi? Que des citations. Ah oui, on était à Disneyland. Nous, visiter un supermarché dans un nouveau pays, pour nous, c'est un peu Disneyland. Parce que du coup, on est un peu à l'affût de ce genre de choses. On regarde un peu comment ça fonctionne, ce qu'ils proposent et tout. Bon, la majorité du temps, ils proposent des trucs emballés dans du plastique. Donc, on n'est pas hyper excité. Mais quand on voit ce genre de choses, enfin, vraiment, il y avait tout un tas de céréales en vrac. Des épices, des fruits secs. Enfin, c'était trop cool. Ah, c'était énorme. Non, non, vraiment, ils ont énormément de vrac. Pour un... Alors, bon, après, ça, pour nous, c'est génial parce qu'on sait qu'on peut les utiliser avec nos petits sacs qui sont réutilisables et tout ça. Bon, enfin, est-ce que c'est fait pour des raisons environnementales? Je ne sais pas trop parce que les gens ont l'air de prendre des sacs plastiques pour mettre leurs affaires et mettre même deux, d'ailleurs, autour pour être sûr que ça ne coule pas. Oui, oui, on a vu ça. Donc, bon, pour nous, c'est cool, en tout cas. Bah, du coup, c'est ça aussi, c'est qu'on va pas pouvoir acheter tout ça, tout un tas de trucs si on se balade avec nos petites pattes, quoi. Non, mais t'as raison, allons voir le CBT et puis on en saura peut-être plus. Déjà voir ce qu'ils ont comme matériel à proposer, quel poids, tout ça, quoi. On devait faire le free walking tour aujourd'hui à 4h et on a tout reporté à demain parce qu'on a oublié de manger et du coup, j'étais un peu en hypoglycémie. Donc à la place, on a à manger. Voilà. Comme ça, voilà, on a le temps seulement le matin, fin de matinée, d'aller au CPT. J'ai oublié de préciser qu'on s'est dit que si on prenait quand même un 4x4, on allait prendre des gens en autostop. Oui. Quand même. Bah oui, non, mais ça pourrait être... je sais pas, des gens qui prennent pas de gens en stop. Mais ce qui, au final, du coup, est environnementalement aussi intéressant que d'être en taxi partagé à 4 plus le chauffeur. Ça rend service à des gens. Tu veux me pousser dans le truc de louer une voiture? On est... J'ai l'impression de faire le choix de ma vie. Pardon, excusez-moi, je suis en train de manger la bouche pleine. Je te pousse pas dans cette option. Mais moi, j'ai déjà très envie. Mais je sais que c'est... J'ai un petit tableau Excel dans ma tête. Il y a les pros and the cons. Et non, mais c'est vrai. Enfin, non, mais mine de rien, tu peux dire, voilà, comment tu compenses ce côté un peu chiant. Puis c'est aussi une façon de rencontrer d'autres gens, d'autres voyageurs, quoi. Enfin, voilà. Même si on n'est pas très social. C'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est que c'est un peu le pays de notre voyage. Enfin, c'est celui qu'on avait en tête depuis qu'on a commencé à en parler. C'est celui qu'on va, je pense, le faire le plus de fond en comble. Parce qu'on compte y rester un mois, alors que le pays est quand même assez petit. Donc, on a envie d'en profiter aussi. Enfin, c'est pas facile. À mon avis, on le refera quasiment pas, sauf peut-être l'Australie... Et la Nouvelle-Zélande qu'on risque de refaire en van, quoi. Mais enfin, c'est des endroits dans lesquels les transports en commun sont encore moins développés qu'ici, parce que tout le monde a sa voiture et que tout le monde fait ça en effet en van ou en camping-car ou ce genre de choses, les touristes, je veux dire. Donc alors qu'ici c'est quand même assez bien organisé avec des taxis et ce genre de trucs. Et l'Australie, je crois qu'il y a des trains quand même, même s'il faut pas être pressé, mais oui, je crois qu'il y a un réseau de trains. Il y en a genre un qui fait nord-sud et un qui fait est-ouest. Hein. Enfin, il y a quasiment pas beaucoup. Non, il y en a peut-être plus que ça, mais ça coûte. C'est excessivement cher, le train. Enfin, je crois que pour faire Perth-Sydney, c'est 3 500 €, un truc comme ça. Enfin, c'est hors de prix. Bon, de toute façon, on n'y est pas. Encore ? Non. On va y arriver. Sinon, on reste à Biscay jusqu'à ce qu'on ait trouvé la solution. C'est peut-être qu'il va se passer, parce que demain, on est vendredi. Il faut qu'on fasse le walking tour de 3 heures quand même et tout ça. Samedi, c'est férié, c'est la fête nationale. La fête de l'indépendance. Et dimanche, on est censé partir. Donc, clairement, comme on n'est pas du tout prêt, on n'est pas à l'abri. C'est un ou deux jours de plus à Biscay. Coucou les amis, on est le 30 août 2019. Et on a loupé le free walking tour. Encore ? Voilà. Peut-être que c'est le destin. Donc, on le fera certainement demain. Non, mais faut qu'on explique quand même aux gens que c'est pas vraiment de notre faute. Non, parce que, voilà, moi j'ai demandé à la réception de l'hostel où est-ce qu'il fallait aller pour rencontrer le guide. Et j'ai compris, mais je suis certain que c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit qu'il nous récupérait à l'hostel. Alors, je me suis dit, bah, c'est cool, c'est la première fois que j'entends ça. Je me dis, pour un truc qui est gratuit... Et à 4 heures passées, on attendait bien sagement dans notre chambre, assis sur notre lit, tout habillé comme des petits enfants prêts à partir à l'école. Moi, je vérifiais de temps en temps si la personne n'était pas arrivée ou quoi. Et au bout d'un moment, je vais demander quand même à une autre meuf de l'hostel. Comment tu parles ? c'est une meuf. Tu vas choquer les gens. Alors, la madame de l'hostel, je lui ai demandé si le ou la guide arrivait. Elle m'a dit, mais non, il faut aller au point de rencontre. Là, je dis, bah non, votre collègue, elle m'a pas dit ça. Et elle t'a dit, bah si, elle t'a dit ça. Elle t'a dit, bah non, elle t'a pas dit ça. Alors, bon, il y a peut-être une part d'incompréhension de ma part. Je pourrais tout à fait le reconnaître, mais en même temps, vu que on a essayé de bien communiquer là-dessus. Bon, toujours est-il que c'est pas grave, on s'en fout, c'est rien de grave. Mais on était bien prêts et tout. Donc on s'est dit, bah, on va en profiter pour aller chercher un petit peu pour notre équipement de camping. Oui, parce que après l'histoire de la voiture, qu'on a, je pense, à peu près décidé, on pourra vous raconter. Ben, il y avait aussi toute la question de savoir comment est-ce qu'on s'équipe. Est-ce qu'on loue? Est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on achète pour garder? Est-ce qu'on achète pour revendre? Quelle question! On a contacté des loueurs, on est allé voir au CBT, le Community-Based Tourism du Kyrgyzstan, qui est donc à une heure à pied. On a réussi par bus, on est arrivé assez facilement. Qui est une association un peu partout au Kyrgyzstan, enfin qui a plein d'antennes au Kyrgyzstan, et du coup ils aident les gens qui veulent voyager au Kyrgyzstan à organiser leur voyage. Donc par des tours, etc. Mais aussi en mettant en relation avec des locaux pour les hébergements, pour les taxis, enfin voilà, un peu pour tout quoi. C'est un peu la référence au Kyrgyzstan. Et en plus, l'avantage par rapport à plein d'autres endroits dans le monde où il n'y a pas de choses associatives, c'est que bah, là, ils ont une commission certes, mais c'est pas une agence de voyage, donc c'est quand même un peu différent. Quoi. Bah, d'ailleurs, quand on est allé, la dame qui nous a reçus nous a pas beaucoup informé finalement. C'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'elle nous a pas beaucoup informé parce que nous, à la base, on s'est quand même beaucoup informé. Et sur notre guide, on a quand même beaucoup épluché, et sur les blogs, sites, etc. Donc au final, elle peut t'aider à savoir quoi faire au Kyrgyzstan, mais quand t'arrives en disant voilà, je sais ce que je veux faire, bon bah, elle a plus grand chose à te raconter quand même. Après, nous, notre grande question, c'est est-ce qu'on peut tout faire en transport public ou pas? Parce qu'on est obligé de louer une voiture. D'après elle, on pouvait faire en transport public et en taxi. Et en voiture partagée. Enfin, surtout en taxi, parce qu'au final, ce qu'elle nous expliquait, c'est qu'il y a des transports publics, en gros, de Bishkek à Karakol, qui sont les deux grandes, les deux grandes villes. Enfin, en gros, il y a 5 villes à peu près dans le Kyrgyzstan qui sont un peu plus grandes. Donc là, il y a des transports publics, en gros, entre chaque ville. Et encore, ça dépend des endroits. Mais alors, le reste, c'est que des taxis partagés. Donc, après ça, on a finalement décidé de louer une voiture. Tu avais aussi un argument qui était un peu sensé, c'était que de toute façon, les voitures ou les taxis, ils font des allers-retours pour toi, puis pour d'autres personnes. Oui, puis ils te prennent à un point, ils t'emmènent à ta randonnée, ils t'attendent à ta randonnée, et ils te ramènent au même point, alors que toi, potentiellement, en voiture, tu serais pas retourné au même point, tu aurais avancé, quoi, enfin... Bah, si tu fais un trek de 2 jours, il va pas t'attendre. Hein. Non, mais sur des excursions d'une journée, il t'attend, mais sinon, il revient te chercher à ton point d'arrivée et il te ramène au point de départ. Donc au final, ça fait en effet plein de petits trajets qui... Bah, si on est 4 dans une voiture et qu'en fait, on fait 2 fois plus de trajets ou 3 fois plus de trajets, bah, avoir une voiture pour nous deux, c'est pas plus bête. Ouais. Donc peut-être que notre argument est complètement faux parce qu'il est biaisé par notre envie d'être indépendant, hein, ce qui est aussi une possibilité. Oui, bah, il y a l'envie d'être indépendant et en même temps de partager, de faire de prendre des gens en stop, c'est aussi une bonne démarche. On verra si on a réussi du coup à prendre plein de gens en stop, ce qui serait génial parce qu'on aurait tout gagné. Du coup. Oui, c'est clair. Voilà. Allez. Bon, donc ça c'est réglé. Après, enfin, faut la trouver dans la voiture parce que. Non, mais bon, on va la trouver. Avec des gens, tout ça. Tu sais, si tu payes, tu la trouves, hein, la voiture. Oui, non, mais ben, à des prix qui sont sensés, quoi. Ouais, c'est déjà. Là, on a trouvé à des prix qui sont bien plus sensés que ce qu'il y a dans le guide. Hein, donc, Oui, ou les premiers qu'on avait contactés. Parce que 90$ par jour, quand même, quand tu pars 3 semaines. Ah, bah. Ça fait un petit peu mal, en fait. Ah, c'est pas la Géorgie, hein. Ah, non. Ni le Portugal. Bon. Donc l'équipement. Donc après le CBT, on est allé voir le TUC, Trekking Union of Kyrgyzstan, qui est une association de trek. Donc on a fait une sorte de petit devis pour louer l'équipement. C'était une somme, bon, c'était pas donné, je me souviens un peu exactement. 190 euros. Et avec quand même une tente qui faisait 3,5 kg. Les sacs de couchage, les matelas, on sait pas combien ça pesait. Et quand j'ai vu le poids de la tente, je me suis dit que bon, dans tous les cas, les sacs de couchage vont pas être légers, puisque de toute façon, il faut qu'on puisse avoir chaud. Donc ça m'a un peu fait peur, parce qu'on est quand même... C'est toujours pareil, on est déjà un peu lourd. Après, vu qu'on aura la voiture, on laissera des choses dans la voiture, quand on partira, si on part 2 jours, 3 jours, et qu'on laisse la voiture à un endroit. Mais quand même, 3,5 kg juste pour la tente, là, je me suis dit, oula, ça risque d'être un peu... Sachant que depuis qu'on a fait la traversée en bateau quand même de la mer Caspienne, et qu'on a rencontré d'autres voyageurs avec qui on a discuté, c'est déjà beaucoup posé la question pendant la préparation de notre voyage, de savoir si on prenait une tente ou pas, est-ce que ça allait être utile, pas utile, etc. Et donc là, en les voyant, et il y en a quand même la plupart qui sont autonomes, enfin qui peuvent dormir où ils veulent, ils ont quasiment tous une tente. C'est ça que ça donne un peu envie, de se dire tu peux te poser où tu veux, t'es pas tributaire d'hôtels, etc. Enfin, si t'as envie de prendre des hôtels parce que de temps en temps t'as mis une douche ou d'un peu de confort, ok, mais si t'as pas envie et que t'as envie d'être vraiment hyper bas en termes de budget. Ah, un petit rat qui est en train de manger un fond de gâteau. Et t'as vu ce truc en face là ? Ouais. Je sais pas ce que c'est, on a presque une entrée de parc d'attractions orientale. Si un jour on arrive à faire le walking tour, on va peut-être savoir ce que c'est, les choses qu'on voit. Mais... Petit aparté, on trouve que Bishkek est pas très joli d'un point de vue architectural, mais ça reste très agréable parce que bon, ce sont des grands axes, même les petites rues sont quand même assez larges et sont vachement arborées. Tu vois, il y a plein d'arbres partout, donc c'est hyper agréable. Et les arbres, c'est pas des. Nous, on a des platanes, eux, ils ont des chênes. Oh, joli petit coucher de soleil. Ah oui. Et puis les gens ont l'air gentils, calmes. On n'est pas beaucoup sorti de notre hostel, mais à chaque fois c'était plutôt plaisant. Fin... Oui, et puis bah ils respectent le code de la route. Et ça ? Ça fait du bien. Non mais mine de rien c'est con, hein, mais c'est quand tu te balades dans une ville, c'est un stress en moins. Parce que bah, tu te poses pas la question, est-ce que tu vas te faire écraser ? Est-ce que les feux sont assez rapides ? Tu vas pas attendre 3 heures un passage pour traverser. Donc. Plutôt cool. Moi, j'ai de la circulation, quand même. Ah bah ça, oui. Ça, oui. Il y a plein de petits bus, là, les... Les Matroska ou... Machuka. J'arrive pas à me revenir comment ça se prononce. C'est dur, hein. Maintenant, après le turc, il faut qu'on apprenne le russe pour arriver à s'en sortir. C'est le même nom depuis qu'on est parti depuis la Géorgie, hein, donc on pourrait se souvenir, quand même. Je le vois écrit, mais j'arrive pas à le prononcer. C'est plus facile, Dolmus. Pourquoi ils ont pas... Enfin, tu vois, c'est facile à retenir. C'est très facile. Bref, revenons à nos moutons, qui était notre équipement. Oui. Donc oui, quand on a vu ces gens indépendants avec leurs tentes et tout ça, et avec des petites tentes pas très très lourdes, on s'est dit quand même ça nous donnait bien envie. Mais bon, clairement, on n'a pas la place. Enfin, on a la place, mais est-ce qu'on a envie de mettre de donner de la place à ça, du poids, etc. Est-ce qu'on va vraiment l'utiliser? C'est toujours la question, quoi. Donc là, on s'interroge. Tout à fait. Et c'est pour ça que nous sommes là, allés dans le sud de la ville pour aller dans un magasin de sport dédié au trekking, quand même, pour un petit peu voir niveau budget ce qu'ils proposaient. Donc ils ont des trucs qui ont l'air quand même plutôt bien, mais assez chers. Sachant qu'on a eu un devis via un site en ligne. Oui, qui est basé à Bishkek, hein. Donc ils font de la location et de l'achat, enfin de la vente, d'une marque dont j'avais déjà entendu parler, mais dont je connais pas très très bien les produits, j'ai juste entendu parler. Et on a eu un devis où la location du matériel, parce que donc on a commencé par faire un devis de location, qui était 2 fois plus cher que celui de chez Tuc, mais avec du matériel beaucoup plus léger. Donc la tente était à 2 kilos ou quelques, je sais plus. Et donc le monsieur m'a fait un devis avec toutes ces informations et m'a dit, moi, pour pas vous cacher, en revanche, pour aussi longtemps, donc 3 semaines, sachant qu'on va peut-être faire plus parce qu'on sait même pas combien de temps on va partir, on s'est dit qu'on mettait 3 semaines et que peut-être on prolongerait à 1 mois selon comment ça se passe, selon le temps, selon si on a vu tout ce qu'on voulait voir, etc. Il dit pour 3 semaines, c'est aussi cher d'acheter que de louer. Sachant qu'à l'achat, il nous propose une tente encore plus légère, donc 1,8 kg. on divise quand même par deux le poids par rapport à celle qui était proposée chez Tuc. Quoi. Oh putain, on est sur un pont là. Qui bouge. C'est un pont de singe mais en métal. Donc voilà, on s'interrogeait un peu sur ça, donc ça coûte deux fois plus cher que la location, enfin que la location de chez Tuc. Mais on voulait avoir un peu d'autres avis, d'autres produits, voir un peu les poids, les prix, etc. Sachant que la personne qu'on a rencontrée chez Tuc, qui parlait français d'ailleurs, donc je sais pas, elle n'était pas française, mais je saurais pas dire quel accent elle avait. Je pense qu'elle était russe. En tout cas, elle parlait très bien français. Et là, dans le magasin de sport aussi où on était, je pense que c'est des gens qui doivent parler russe. Et du coup, c'est facile de communiquer avec les locaux, de trouver un job peut-être saisonnier. Tu parles en plus anglais, et ben là, en l'occurrence, elle parlait français, peut-être qu'elle l'a appris à l'école, hein, en première langue. Bon, elle nous disait qu'en tout cas, c'était très compliqué à Bishkek de trouver de l'équipement léger. Ce qui, c'est vrai, si on y avait réfléchi un peu avant, aurait été beaucoup plus simple qu'on s'équipe chez nous. Sans déconner. Bah, surtout qu'on avait un petit peu ce qu'il fallait. Ah, non, la tente était très lourde, la nôtre c'est une 4 saisons, 3,5 kg aussi. Oui, et nos sacs de couchage sont pas du tout pour le grand froid quoi. Non. Non, non, ils sont. C'est des 10 degrés ou 15 degrés, 10 degrés je crois. Et vite, vite, vite, vite. Et d'ailleurs on l'avait remarqué que c'était pas tellement équipé pour le grand froid parce que je sais pas si tu te souviens, mais un jour on a dormi chez des gens chez qui on n'avait pas réussi à allumer le chauffage. Il faisait très froid. Dans le sac de couchage, mais il faisait quand même pas moins 10 degrés, le sac de couchage ne nous permettait pas d'avoir chaud. Ouais, clairement. Alors, c'était fait pour une randonnée en Bretagne en été. Ouais. En effet, le 10 degrés c'était bien, ouais. Mais en dessous c'est compliqué. Donc ils sont petits, ils sont relativement légers, mais ils n'auraient pas été suffisants dans tous les cas. Sachant que aussi, on sait qu'en Australie, en Nouvelle-Zélande, peut-être au Japon, peut-être aussi si on y va au Népal, on aura besoin en tous les cas de ce genre d'équipement qu'il faudra soit louer, soit acheter. Ouais. Bon, après, je regrette qu'on s'y soit pris un peu au dernier moment, depuis qu'on est arrivé à Bishkek, ou même un peu avant, de ne pas avoir regardé pour de la seconde main. Parce que... Enfin, on a regardé, c'est juste que il y avait deux tentes qui étaient vendues par quelqu'un, sauf que le poids et le... Et le prix était trop élevé par rapport à ce qu'on recherchait, quoi. Mais t'avais regardé il y a longtemps ? Non, mais sur Facebook, tu vois les annonces des gens... Pas même après, si c'est vendu, tu vois. Ah, ouais. Non, mais ça, c'est pas un groupe d'achat-vente, c'est un groupe d'expats. C'est une annonce, d'accord. Je regrette en tout cas qu'il n'y ait pas plus de système de revente et de seconde main. Parce qu'a priori, il n'y a même pas de magasin, alors qu'il y aurait un magasin pour ce genre de choses. Ça marcherait tellement bien, il faudrait qu'on fasse ça d'ailleurs. Mais oui. Et puis bon, bah, franchement, moi, ça me fait chier encore d'acheter du neuf, si tu veux. On va être obligé. Et donc c'est vrai que si on s'était équipé en France, bah, on aurait plus facilement trouvé, clairement. Mais on était parti sur le principe voilà, de se dire si on en avait besoin, bah, on allait acheter sur le moment ou louer ce genre d'équipement. Ça nous a évité de le porter pendant 2 mois. Là où clairement on n'avait pas tellement besoin. Presque 3 mois. Hein. Presque 3 mois. Oui, ça nous a évité ça. Et vu quand on est parti, on n'avait clairement pas la place et on aurait chié niveau poids. Quoi. On s'est allégé depuis. Bien allégé et en volume et en poids, oui, depuis. Quand même. Donc là maintenant, ça pourrait être faisable de rajouter ça. Ce serait un on peu. C'est aussi lourd, je pense. Quasiment. Et début, aussi, ouais, qu'au début, quand on est parti. Mais on serait plus autonome, du coup. Mais ouais. Potentiellement. Assez compliqué, hein, les amis. C'est très compliqué. Donc affaire à suivre. Tout est ouvert samedi, dimanche, donc on a encore un peu le temps pour réfléchir. Ouais, ils sont ouverts demain alors que c'est censé être férié, donc tant mieux. Oui, c'est férié. Ouais. Pas férié, je sais pas. En tout cas, c'est la fête nationale. Oui. Donc chez nous, c'est férié. J'espère que pour eux aussi, quand même. Mais après, souvent, même en France, maintenant, t'as des grands magasins, ils restent ouverts, même les jours fériés. Donc, ça ne veut plus rien dire. Est-ce qu'on avait d'autres choses à rajouter ? Non, bah vous voyez qu'on est. C'est compliqué dans notre cerveau, hein. On fait des va-et-vient. Tu ne passes en dessous ? On n'a pas le choix. Ah bon ? On est tiraillé entre tout un tas de choses parce qu'on se dit si on achète de l'équipement neuf et qu'on ne l'utilise pas, bon bah on sera un peu dégoûté quand même. Enfin, et pour la planète et pour notre porte-monnaie. Bah, si on l'achète, il y a quand même des choses pour qu'on l'utilise. Non. Bah là, pendant un mois, oui, c'est sûr, mais ensuite... Est-ce qu'on va le rentabiliser dans tous les sens du terme? Ah oui, oui. Bon, après, peut-être que si vraiment après on n'en a plus besoin ou quoi, on trouvera des gens pour le... Oui, nous le racheter, dans une auberge de jeunesse, je sais pas, enfin... S'il y a un pays où on reste assez longtemps pour poster une annonce... À Rémi. Nous, on aime bien encombrer nos amis, en fait. Non, mais en fait, ce qu'on se disait, c'est qu'en effet, au pire du pire, on peut se le faire envoyer en France. Je pense que ça nous coûtera moins cher que ce qu'on va perdre en le revendant potentiellement à des gens ou en n'arrivant pas à le revendre. Et au moins, on sait qu'on aura de l'équipement. Oui, parce que ça va nous changer les hôtels 4 étoiles, quand même. Oh, des hôtels, putain. J'adore. De l'hôtel. Non, mais c'est vrai que quand tu réfléchis, t'achètes... 200 balles ta tente, mais tout ce que tu peux économiser en nuit d'hôtel et tout, si t'as envie, c'est... Enfin, c'est un bon investissement en vrai. Et oui. De scandale nous fait complètement perdre la tête. De toute façon, l'homme est pourri, on le sait, on l'a toujours su. C'est l'économie qui nous a tués, car elle nous tue. Elle nous inflige un rythme dont on n'a plus envie. On a trop oublié le sens de nos vraies vies. Pas celui que les gens se donnent pour se rassurer, mais le fait que nous soyons tous et tout simplement des mammifères, il paraît. Et c'est un homme qui décide de l'avenir du monde entier. Et le monde entier se laisse par cet homme guidé. La pression, la compréhension et la révolte est là, mais tout le monde le suit quand même. Ce bouffon, hélas. Et c'est un homme qui décide de l'avenir du monde entier. Par cette bonne idée, la pression, la compassion est de monter là, mais tout le monde ne suit pas même. Machine afrique, des hommes sans vie qui pour quelques fortunes ils n'hésitent pas, ils s'étripent.